serons sûrs si ce cri sans gain qu'en sens ce soir de se voir sous ces remises sont toutes alors complices coquilles des câlins que cardéa croque en quinconce calculant des passages bien trop polis pour être vierge voix vassale vestale en vrille vert car se caresse en liesse en messe en fesséante tenante tournante d'ermite tiltée de tendance ténébreuse où s'y perd à l'aise des rations de stupre spectrale languissant les louanges lactaires liées on allonge déjà danse indocile dominatrice des songes de rouge rougissante, les raisons d'exulter, car ainsi coïncide création et connexion, en cadence divine, montre cher. Thank you.